Chapitre 66. La recommandation pour les hommes de visiter les tombes et ce que doit dire celui qui les visite. 581. Selon Buraïda, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant, visitez-les. » Muslim. 582. D'après Aïcha, radiallahu anha, chaque fois que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passait la nuit chez elle, il sortait à la fin de la nuit pour aller au Baqir, cimetière de Médine, et disait « Assalamu alaykum, habitant croyant de ces demeures. Ce qui vous a été promis est advenu, et vous êtes désormais dans l'attente d'un autre terme. Nous vous rejoindrons certainement par la volonté d'Allah. Ô Allah, pardonne aux morts du Baqir al-Gharqad. » Muslim. 583. Selon Buraïda, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, apprenait aux compagnons, lorsqu'ils se rendaient dans les cimetières, à dire « Assalamu alaykum, habitants croyants et musulmans de ces demeures. Certainement, nous vous rejoindrons bientôt par la volonté d'Allah. J'implore le salut d'Allah pour nous et pour vous. » Muslim. 584. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa un jour à côté de tombes à Médine. Il leur fit face puis dit « Assalamu alaykum, ô habitants de ces tombes, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. Vous nous avez précédés et nous vous suivrons bientôt. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.